Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans cette Vampire Freak spéciale 70e, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, salut, c'est Spike et c'est la Vampire Freak spéciale 70e. Et ouais, 70, déjà, ça commence à faire. Bah, déjà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine et de suivre la page de l'émission Vampire Freak, c'est l'émission radio. Et j'ai vu encore plus cette semaine, ça me touche beaucoup. Merci aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux et... toujours merci aux anciens. On commencera cette spéciale 70, donc ça sent le live, le live, le live. Jouer avec le feu des shérifs, c'est sur l'album 3-2-1-0, sorti en 1988. On retrouve Fanatique de télé, le rock balance, Trop de tentations et Mayonnaise à gogo, entre beaucoup d'autres. Un excellent album qui vieillit bien. On poursuivra avec Get High de Rob Zombie, c'est sur l'album The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser, son sixième album, sorti le 9 avril 2016. On retrouve Satanic Cyanide de Killers Rock On, In the Bone Pill et Get Your Boots, un excellent album du zombie. On continuera ensuite avec un bon son vinyle, La Folle Semence de Brigada Flores Magón. C'est sur l'album Brigada Flores Magón, sorti en mai 2000. On retrouve Chasseur, Banlieue Rouge et Action Directe. On continuera avec une nouveauté, Sans Titre 1, le nouveau Barricade. C'est de l'album Sans Titre qui vient de sortir sur les plateformes et qui va pas tarder à sortir en CD. D'ailleurs, j'attends le CD, des nouvelles très vite. On peut entendre Cannibal, Le Contrat et une super reprise de Mourir pour des idées de Brassens. Et on finira ce bloc en live avec Nina Again et Anti-World. C'est sur l'album Non-Sex Monk Rock, sorti le 12 juin 1982. On retrouve Smack Jack, Taichi Tarot et Cosma Shiva. Toujours aussi sympa à réécouter cet album, toujours, toujours. Dirty tongue, falling to the door while I'm stifling on the ground. Something good. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Oh, Mais c'est nous qui te remercions, Nina. Vous êtes toujours dans la 70e Vampire Freaks et on vient d'attaquer l'émission avec Joue avec le feu en live des Shérifs, Get Tide de Rob Zombie, La Folle Semence, son vinyle de Brigada Forest Magone, sans titre 1, le nouveau Barricade, et en live, on a fini avec Anti-World de Nina Hagen. On poursuivra l'émission avec Hail to King de Avenged Sevenfold, c'est aussi le titre de leur 6e album, sorti le 23 août 2013. On retrouve Shepherd of Fire, Doing Time et l'excellent Heretic. On poursuivra avec Poltergeist de Deftones, c'est sur l'album Koi No You Can, leur 8e album, sorti le 13 novembre 2012. On retrouve Romantic Dreams, Laser et Tempest. On continuera avec une nouveauté, Devoured Life, de le nouveau Implied, c'est sur un album en préparation à sortir en 2018, et c'est extrait de la compile Compendium Metal Quintessence de Music Record, sorti le mois dernier. Allez sur la page Facebook de The Implied et en même temps sur la page Facebook de Music Record. On continuera avec une autre nouveauté, Y Croire Encore. C'est une exclue, c'est RSCAP, c'est sur l'album Des Sourires qui va sortir en mars 2017. Des nouvelles très vite, allez sur la page Facebook et sur le Bandcamp de RSCAP, R-E-S-C-A-P. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc en live avec Sound System de Steel Pulse, c'est sur l'album Tribute to Martyr sorti en 1979. On retrouve Unseen Guest, Babylon Makes the Rule et l'excellent Blasphemy, un grand classique du reggae des années 70. Called Hail to the King. Now this song takes crowd participation. All you need to say is Hail, Hail, Hail, Hail. Fire! Fire! Fire! Stand in the sun. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you. passe, même si nos cœurs n'ont plus leur place, même si les hommes ne se comprennent plus, même si nos chemins ne se croiseront. Vous êtes toujours dans un spécial Vampire Freak 70e. On vient de se faire un super bloc là. L2King en live, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de Avenged Sevenfold, Poltergeist de Deftones, Devoid Life, le nouveau Implied, Y Croit Encore, le nouveau Rescape, et on a fini en live avec Sound System de Steel Pulse. On poursuivra cette émission en live avec California Uber Alles des Dead Kennedys. C'est sur l'album de 1978 10 démo, sorti en 1978. On retrouve Cup on Kids, Kidnap et Viva Las Vegas. Un album difficile à trouver aujourd'hui. On poursuivra avec Even Knows de Pretty Reckless. C'est sur l'album Going to Hell, son deuxième album sorti en 2012. On retrouve Going to Hell, Absolution et Fucked Up the World. J'adore cet album. On poursuivra avec un groupe que j'adore, les Ninjolson, I Don't Like, c'est sur l'album We Are Noisy, sorti en 2014. Ils ont lancé un crowdfunding pour leur deuxième album, allez-y, aidez-les, je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Allez aussi sur la page Facebook de Ninjolson, ils sont super sympas. On poursuivra avec une exclusivité et une nouveauté, c'est les mêmes histoires de Durkheur. C'est une démo d'un futur album à paraître. Ils sont d'Ottawa au Québec et c'est une exclusivité européenne. Et on finira ce bloc en live avec Day Want de la Dubink et de Scaramucci. C'est sur l'album Paradise, sorti le 16 octobre 2013. On retrouve Better Run, Paradise, Il faut qu'on ose. Ils ont sorti un album So What le 23 septembre 2016 et ils sont en tournée européenne avant une tournée mondiale. Et c'est complet partout. Welcome to 1984. Are you ready for the Third World War? No! You'll meet the secret police. They'll trap you. They'll tear your meat. Go quietly to your boot camp. Did you get this? You are mad. Get away at one part. Be a double double red man. All is calm. We'll be right back.

what then I stole for life. Break me down. They want more fire, wiggy them. They want more music, wiggy them. them. Some pull it up the letter. Pull it up the letter. Love the best Caramucci. Oh. I send music down and teach them a lesson. We are ready to teach them. Stop X Caramucci. Wah wah. They want more rock, we give them rock. So they want more music, we give them rock. So they want more fire, we give them rock. So pull it up, selector, rewind, come again. Come again, s'ils veulent la musique, on en ramène. S'ils veulent plus de dance, on vous complimente. What do they? S'ils veulent de la vibes, on en enchaîne. We love the reggae music world without ending. Oh, go! Ma technique s'adapte à tous les styles, tous les flows. Ma nuit, pas de reggae, nous tombons l'eau. Tu sais qu'on a du stock, ouais, tu sais ce qu'il faut. Les salvailles se lâchent comme du bras toxico. Tout le monde veut des fignes, qu'on a pas qu'à l'hydro. Pas besoin de seringue, de coco, de pavot. Tous sont dans les veines pour t'emmener tout là-haut. Comme l'Anscaramucci reprenne le micro. On reste indépendant, y'a toujours la même éthique. Même si passent les ans, on continue, y on pratique. Car depuis longtemps, on a développé notre technique. Ragamuffin trafic, les gros poissons paniquent. Et entre les requins et tous leurs vices qu'on évite. À contre-courant, dans le business, voyons, on s'implique. On avance tranquillement alors que les autres s'agitent. On développe l'art scénique, scénique. They want more ragga, we give them. They want more fire, we give them. So they want more music, we give them. Ça pull it up, c'est le tarot, come again. Come again, s'ils veulent la musique, on en enchaîne. S'ils veulent plus de l'air, il faut qu'on se démène. What do they? S'ils veulent de la base, on en ramène. We love the ragga music world without end. Hey. All in the same corner. It's a big ragamuffin style. Oh, so. Hey, you have more on this tune, please. They want to listen that. Yeah, man. We've got the style and the melody. And from a distance to hear all the quality. And when we send it straight to the sound factory. And when we book it up, back it full of clarity. So play this one for your radio. I'm playing this one for your TV show. I'm playing this loud, I make the old world know. Double it, Scaramucci and the girls them show. Rum pa pa pum pum, rum pa pa pum pum, rum pa pa. Attends doucement, doucement. Parce que cet homme là ne chante pas le ragamuffin, il est le ragamuffin. From Jamaica, Scaramucci. All the way from France. Attends, tu sais, on va faire ça en mix. Tu connais, c'est comment son système s'appelle. Ram pa pa pam, dans le mic est bien joué. Toujours top et toujours max et toujours moi je fais mes armes. Ram pa pa pam, non je veux pas laisser tomber. Lol, hey, dis-leur. It goes so mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad. People, are you ready? Oh, Lord! Blue for people, are you ready? Let's go, Lord! Mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad. Passe-moi le mic, passe-moi le mic, passe-moi le mic, et bien joué. Toujours top et toujours mic, c'est toujours bon, je filme et ça fait top le mic, je vais laisser tomber. Lol, ah ouh, they want more rock, we give them. So they want more fire, we give them. So they want more music, we give them. We give them. musique, on en enchaîne. S'ils veulent plus de dance, on vous compte les veines. Et s'ils veulent des lyrics, on en ramène. We love to make a music world without ever. Scaramucci! Love it! Long time we are telling them to know. Moi je les entends pas, les Parisiens, ils sont là ou bien? Alors faites plus de bruit que ça, s'il vous plaît, Paris! Vous êtes toujours dans la 70e Vampire Freak spécial 70e, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. California Uber Alles en live des Dead Kennedys, Even Knows de Petri Reckless, I Don't Like les copains de Nelly Olson, les mêmes histoires, une nouveauté de Durker et They Want. Bon, il est un peu long le morceau, mais c'est pas grave. De la dubbing et Scaramucci. On poursuivra avec Dancing on the Edge en live de Lita Ford. C'est sur l'album The Beach Is Back Live, sorti en 2013. On retrouve Hungry, Devil in My Head et Out for Blood, entre autres, beaucoup d'autres même. Un excellent album. On poursuivra avec un morceau original, House of the Rising Sun de Five Finger Death Punch. C'est sur l'album The Wrong Side of Heaven and The Right Side to Hell of Hell, pardon, volume 2, leur cinquième album sorti le 19 novembre 2013. On retrouve Here to Die, Wrecking Ball et The Agony of Regret, un album malheureusement méconnu en France. On poursuivra avec une nouveauté, Hacker Republic de Morsen 43, oui, hein, c'est mon petit single. C'est single d'un album numérique et talk cover qui sortira en cours d'année. On poursuivra avec un grand classique, et c'est moment de la rigolade, avec L'Ami Cahouette en vinyle de Serge Gainsbourg. C'est un 45 tours de 1975. Un mec que beaucoup de gens aimaient bien et qui a forgé ma façon de chanter et qui m'a donné envie de soigner ma rage par l'écriture. Et on finira en live avec L'Esprit du Temps de Mass Hysteria. C'est sur album L'Armée des Ombres, leur septième album sorti le 27 août 2012. On retrouve Positif à bloc, Tout doit disparaître et Raison close. C'est un chouette album, mais aussi le nom du fan club de Mass Hysteria, L'Armée des Ombres. Allez faire un tour sur la page Facebook donc de L'Armée des Ombres, il y a toujours tout un tas de petites infos sympathiques. Dancing on the Edge. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Tous les réseaux sociaux sous surveillance pour sauvegarder la bienveillance. Tout le monde est sur écoute et tout ça me dégoûte. Adopi NSA meurt mais ne se rend pas. Pire qu'un programme de la NASA, si tu charges trop de gigas, ils te tombent dessus de tout leur poids. Hacker République, déclaré ennemi public, à grand coup de clic, ça peut finir à coup de cric. Le défilé des torrents peut commencer à un rythme effréné. Et mec, faudra penser à freiner. Sorry guys, ça a ripé. Copie frénétique et systématique. Y a-t-il encore de la place sur mon disque? Nouveau logiciel, nouvelle sécurité. Eh, hey, désolé les gars, déjà hacké. Hacker République, déclaré ennemi public. À grand coup de clic. Ça peut finir à coup de cric. Certains téléchargent pour la connaissance et le partage. D'autres dans le seul but de nuire. Et ça peut vous faire fuir. Quoi que vous fassiez pour nous fliquer, Hacker République trouvera toujours la réplique. Hacker République, déclaré ennemi public. à grands coups de clic. Ça peut finir à coup de cric. Algorithme décrypté, n'oublie pas de partager. Le torrent doit toujours fluctuer et ne doit jamais s'arrêter. Il devient de plus en plus dur de trouver un serveur sûr, vu que l'état policier ne fait que les désactiver. Hacker république, déclaré ennemi public, à grands coups de clic, ça peut finir à coups de cric. Hacker république, t'assommes à coups de mégabits, et toi tu dégages avec ta clique de fossoyeurs de la république. Hacker république, déclaré ennemi public, à grands coups de clic, ça peut finir à coups de cric. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Excusez-nous, on l'a bossé il y a deux jours parce que c'est l'anniversaire et on en a rien à foutre. Ciel d'azur, je n'ai rien perdu de mes amis forts. ciel. J'ai encore un petit bon sens. Des habitudes essentielles. Mais pourquoi un de tout se pense. L'esprit du temps vagabonde. Je dédicace ce morceau à Stéphane Hessel, héros parmi les héros. Indignez-vous. En mon amour, retrouvons-nous un peu de sens seulement sur les barricades. Dans la résistance et l'amour en embuscade. Créer pour exister, c'est résister un peu, mais furieux. Créer pour exister, c'est résister un peu. Allez! Autant vous dire que la sécu devant fait un boulot de malade. N'ayez pas peur de vous laisser tomber, ils vont vous rattraper. Fais du bruit pour la sécu, tiens, on fait jamais ça. Parce que les concerts de Massistaria, c'est toujours bon esprit. C'est grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous les gens qui font ce concert. V-Record, Very Show, New Track. Bon anniversaire! Vous êtes toujours dans la Vampire Freak spécial 70e et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un super bloc là. Dancing on the Edge en live de Lita Ford. House of the Rising Sun des Five Finger Death Punch. Hacker Republic de Morsen 43. Le classique La Mikawet en vinyle de Serge Gainsbourg. Et on a fini en live avec L'Esprit du Temps de Massistaria. On poursuivra cette émission avec Close Escape en live de Madness. C'est sur l'album Absolutely, le deuxième album sorti en 1980. On retrouve Beggy Trousers, On the Beat Pit et In the Rain. J'aime bien ces vieux ska, ça me rappelle les fêtes à la maison quand j'étais gamin. Mes parents adoraient ce style de zik, le ska. Et du coup, c'est des bons souvenirs. On continuera avec notre exclusivité européenne aussi, Darkness Descent, le nouveau lysergique. C'est sur l'EP Stay in Drug, sorti fin 2016. On retrouve Close Curtain, Days of Rage et Cyclicity. Ils sont aussi du Québec et le chanteur et bassiste n'est autre que le bassiste du groupe de Prowlers, c'est un groupe de Hoy de Montréal. Merci aux camarades B pour toutes ces exclus européennes, donc Lysergique et Durcoeur. On poursuivra avec une autre nouveauté de Hérésiarque de Mobius, le nouveau Mobius, c'est sur l'album The Line qui est sorti en automne 2016. On retrouve Cosmopolis, Évasion et Mist of Illusion. Un groupe extraordinaire, album est une tuerie. Allez sur la page Facebook de Mobius, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et partagez, viendez, ils ont un Bandcamp, il y a tout ce qu'il faut. Je mettrai les liens sur la page Facebook. On poursuivra avec Red Light Vision de Cypress Hill. C'est sur l'album Cypress Hill 3, Temples of Boom, donc le troisième album sorti en 1995. On retrouve Spark Another Hole, Stone Rider et Funky Freakers, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Rock'n'Roll de Led Zepp. C'est sur l'album The Song Remains the Same en live, sorti en 1973. On retrouve No Quarter, Dazed and Confused, Moby Dick avec un solo de batterie de folie fini à la main, signé John Bonham. Enfin bref, du son culte. Something less energetic for what's up. Yeah. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient de s'écouter Cloud Escape en live de Madness, Darkness Descent, une nouveauté et exclusivité européenne de Lysergic, de Heresiarch, le nouveau Mobius, Red Light Vision de Cipossil, et on a fini en live avec Rock'n'Roll de Led Zepp. Cette 70e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Ça fait toujours plaisir de discuter 5 minutes avec vous. On finira cette émission avec Le Soir. C'est une nouveauté et c'est un live de Black Bart. C'est le premier single d'un album qui sortira en mars. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Black Bart. Ils ont un Reverb Nation, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Est-ce que...